Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Suitcase in my hand, and I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain. When the train roll up to the station, I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. The train, it left the station with two lights on behind. When the train, it left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain. Ooh, Willie Mae. Oh, hey. Ooh, Willie Mae. C'était Love in Vain par Robert Johnson. Robert Johnson, c'est un mythe, c'est une des figures emblématiques du blues américain. Je pense que tous les auditeurs connaissent, si vous êtes amateur de blues, de rock ou de musique américaine, vous ne pouvez pas ne pas connaître Robert Johnson. Alors ce morceau a été repris de nombreuses fois. La version la plus connue, bien sûr, c'est celle des Rolling Stones. Et puis plus récemment, celle d'Eric Clapton. Mais il y en a eu des tonnes et des tonnes, hein, bien sûr. Robert Johnson est né en 1911 et décédé en 1938. Dans des circonstances un peu tragiques. Une version dit qu'il serait mort empoisonné par un mari jaloux. Une autre version penche peut-être aussi qu'il serait mort de la syphilis. Bon, pourquoi pas les deux en même temps. Bref, 1911-1938, ça veut dire qu'il est mort à 27 ans. Et c'est lui qui a inauguré le club des 27, c'est-à-dire plein d'artistes qui sont morts à 27 ans. Comme Brian Jones, Amy Winehouse, etc. etc. Une autre histoire sur lui, c'est qu'il aurait vendu son âme au diable au Carrefour, hein, au Crossroads, pour devenir un super musicien. Alors moi, je vous propose quelques versions d'artistes français. Toutes les versions sont en anglais, sauf une en anglais. Et en français, vous découvrirez ça au cours des deux émissions que je vais consacrer aux Blues Covers, Love in Vain. On commence avec Magic Buck en 1998. And I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain. train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Where the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry. On behind, when the train had left the station, with two lights on behind. Well, the blue light was my blues, and the red light was my mind. All my limbs in vain. Magic Buck, en 1998, qui habite dans le sud de la France. Nous remontons un petit peu vers le nord, enfin moyen, c'est-à-dire à Lyon, avec Jack Bon, qui propose en 2007 sa version de Love in Vain. Jack Bon, c'est un des anciens fondateurs du power blues rock groupe qui s'appelait Ghana Fool dans les années 70-80. Et depuis, il joue soit en solo, soit dans le Jack Bon Slim Combo. Voici Jack Bon en 2007. As I followed them to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Oh, it's hard to tell, it's hard to tell. Help but cry. Oh, my love's in vain. nerves and veins. On retourne dans le sud avec The Managers, un groupe ou peut-être même un mec tout seul qui a disparu de la circulation et qui faisait des versions un peu déjantées, un peu sombres, caverneuses. The Managers, Love in Vain, ou plutôt Love is Vain. When I followed her up to the station, when I followed her up to the station with a suitcase in my hand, oh, it's hard to tell, it's hard to tell, babe, when all your love's in vain. When a train came in the station, yeah, when a train came in the station and I looked her in her eyes, I felt so sad and lonesome that I could not help but cry. Oh, baby, your love is vain. Ooh, ooh, baby, your love is vain. When the train left the station, he had two lights on behind. Yeah, there was a train left the station, he had two lights on behind. The blue light was my baby and the red light was my mind. Oh, my love is vain. Gee, baby, all my love is vain. C'était The Managers. Mais revenons un instant à Robert Johnson. Cette chanson, il l'a enregistrée en 1936. Ça fait partie des 29 chansons qu'il a enregistrées dans des chambres d'hôtel. Eh bien, on découvre quand même, quand on cherche un petit peu, qu'il s'est inspiré de deux morceaux antérieurs. Pour la musique, eh bien, c'est un classique de Leroy Carr qui s'appelle « In the evening when the sun goes down ». Et puis pour les paroles, enfin pour la fin simplement, la dernière strophe de « Love in Vain », il a emprunté ça à un morceau qui s'appelle « Flying Crow Blues » des Shreveport Home Wreckers. Mais ça fait partie de la tradition du blues d'emprunter à droite à gauche, de mixer des titres, des phrases, tout malaxé, et d'en faire un nouveau morceau. Revenons en France avec les Cotton Bellies en 2007, Love in Vain. With a suitcase in my ear, well, I'm alone into the station with a suitcase in my ear. Well, it's out of town when all your love is in vain. Oh, my love's in vain. To the station, I load up in the eye. My rental train will up to the station. I load up in the eye. Well, once loved someone's loved so, and I could not ever but cry. Say, what's the light on me eye? When the train and left the station, say, what's the light on me eye? Well, the blue line was my blues, and the red line was my mind. All my love's in vain. Cotton Bellies, un groupe de la région parisienne, de l'Essonne, et qui a gagné le tremplin Blues sur scène il y a quelques années. Voici maintenant Didier Marc Bourrel. C'est, je vous en ai parlé en début d'émission, c'est une version franglais, enfin si on veut, c'est-à-dire il va la chanter en anglais et puis il fait sa petite version française à lui, Didier Marc Bourrel en 2011, French Love in Vain. Well, it's hard to tell, it's hard to tell. When all your love's in vain, all my love's in vain. avec sa valise à la main. Je me dis que je ne ferai pas d'histoire. Je me donnais l'air du type serein. Je ne pouvais me faire à l'idée que l'amour file entre mes doigts. J'arrivais pas à me résigner. Tout cet amour pour rien. Oh my love's in vain. Quand le train est entré en gare, je le regardais droit dans les yeux. J'avais encore le vague espoir que l'on reparte tous les deux. J'aurais pas voulu que sans doute, mais j'avais envie de pleurer. Je voyais bien que je faisais fausse route. Tout cet amour pour rien. All my love's in vain. Quand le train a quitté la gare, je suis resté seul sur le quai. Je ne lui avais pas fait d'histoire. Et maintenant je le regrettais. Je me suis affalé sur un banc. J'ai pris ma tête entre mes mains. Depuis j'y pense encore souvent. Tout cet amour pour rien. All my love's in vain. C'était Didier Marc Bourrel avec une version très intéressante en français, une adaptation comme on dit. Et on va terminer ce Blues Covers Love in Vain Part 1 avec Louis Bertignac, l'ancien de Téléphone, maintenant dans Les Insus. Louis Bertignac a enregistré en public cette version en 1998. Bye bye et à la prochaine. When I fall to the station, I looked her in the eye. With a suitcase in my hand. Oh, it's hard to tell, it's hard to tell. When all you love is in vain. When the train came to the station, and I looked her in the eye. So lonesome that couldn't help, so I cried. station. He had two lights on behind. Yeah, when the train left the station, he had two lights on behind. Was my baby, and the red light was my mind. Oh yeah, yeah. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.